Radio Notre-Dame. La vie prend un sens. Le grand témoin, Louis Dauphren. Vous l'avez sans doute observé, si vous nous écoutez régulièrement, nous aimons questionner l'histoire en la prenant à contre-pied à la faveur du 30 avril, jour du suicide de Hitler. Nous nous sommes demandé s'il pouvait revenir. Puis nous avons exploré un aspect peu connu du siècle des Lumières avec Xavier Martin, siècle qui a donné naissance aux sous-hommes par-delà tous les discours sur l'égalité. Édouard Waldman reprend un questionnement du cardinal Lustiger, les Lumières ne seraient-elles pas à l'origine de l'Holocauste? Alors à la veille des cérémonies du 70e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale, eh bien c'est cette relation de cause à effet à la vérité très peu connue dont va nous entretenir notre invité, précisément Édouard Waldman, écrivain, poète et essayiste. Bonjour Édouard Waldman. Bonjour Louis Dauphren. À la faveur d'un titre tout à fait explicite, pourquoi tout simplement les Lumières à l'origine de l'Holocauste chez l'Harmattan? C'est en passant à New York, vous le racontez en tout début d'ailleurs, vous avez une interrogation, vous êtes à New York, vous regardez la télé, il y a cette interjection, ce questionnement, pourquoi? Et puis là tout d'un coup il y a une sorte de révélation, de déclic. Oui, c'est... Racontez-le quand même. J'étais effectivement, je regardais la télévision, il y avait un panel, un débat, et il y a eu cette interrogation, pourquoi l'Holocaust? Why the Holocaust? Et c'est quelque chose qui m'a vraiment frappé, j'ai eu envie d'en parler. Avec évidemment beaucoup d'humilité, parce que je ne prétends pas répondre à cette question. C'est une question immense, qui a des racines et extrêmement nombreuses et complexes. Mais j'ai eu envie de donner ma réponse, voilà. Donc en rentrant... Est-ce qu'on en parle différemment aux États-Unis? On n'en parle pas beaucoup aux États-Unis, en fait. Je crois que c'est une question... Vous partagez votre vie entre la France et les États-Unis. Oui, mais on n'en parle pas énormément aux États-Unis, non. Beaucoup moins qu'en France, beaucoup moins qu'en France. Oui. Oui, parce que les Américains sont quand même venus, d'une certaine manière, nous sauver du pire. Un peu tardivement, il faut bien le dire, 8 mois avant la fin. Oui, mais ils sont quand même venus. Alors, on va voir ça, Édouard Waldman. On va rappeler, il y a quand même aussi le phénomène de la résurgence de l'antisémitisme en France qui fait qu'on en parle quand même beaucoup. Beaucoup. Peut-être. Donc, ça explique aussi l'anniversaire. C'est aussi ces questions-là. L'anniversaire. Alors, on va en parler. Donc, ce questionnement du cardinal Lustiger, je le disais, les Lumières ne seraient-elles pas à l'origine de l'Holocauste? On va développer tout cela. Et cette autre question, donc, pourquoi? Une question qui vous a taraudé dès l'enfance. Vous qui êtes né à Nice en 37 d'un père juif d'origine égyptienne et d'une mère catholique, une enfance passée à se cacher, à errer, une enfance persécutée qui est à l'origine de votre désir de défendre et d'écrire votre itinéraire. Puis on entre dans le sujet. Des études de droit, le barreau de Paris en 1963, Édouard Waldman se spécialise dans la défense des droits de l'homme. 9 ans plus tard, avec Michel Foucault et Gilles Deleuze, il met sur pied le groupe Information Prison. Oui mais voilà, contre les dictatures, rien ne vaut la dissidence, la déviance, ceux qui pensent autrement, souligne Édouard Waldman dans son dernier livre, et c'est sans doute pour cette raison qu'il a choisi la poésie. Accueilli en 1974 à la Villa Médicis à Rome, il rencontre le peintre Balthus avant de côtoyer Louis Aragon ou encore Edmond Jabès. L'écriture, c'est le désir à l'état pur, déclare Édouard Waldman, mais c'est aussi salvateur, un équilibre mental et psychologique. Récits, essais, poèmes, il donne des conférences à Berlin, Jérusalem, New York où il s'est installé il y a une dizaine d'années. Les États-Unis constituent aujourd'hui, dans la mesure où un régime politique peut l'être, l'organisation la plus satisfaisante possible, écrit-il dans son dernier essai, ne cachant pas son amour de la pensée anglo-saxonne. Dans son dernier essai encore, Édouard Waldman ajoute « La constitution américaine est fondée sur une conception des droits de l'homme issue de la Bible, sur la base de l'existence de Dieu, et non sur celle de la philosophie des Lumières et de la mort de Dieu. Et si la laïcité exacerbait les antagonismes religieux et les extrémismes, Édouard Waldman, lui, appelle de ses voeux un retour au sens de notre culture, le sens du tragique, de la beauté, de la création et de la gratuité, conclut-il, sans passer par le fascisme. Alors voilà en fait la question qui va mêler plusieurs actualités. Il y a les élections législatives en Grande-Bretagne, donc le monde anglo-saxon qui vibre sur d'autres sujets que les nôtres, même s'il y a des points communs, l'Union européenne, la question de l'immigration. Puis il y a cette comparaison que vous faites qui est assez récurrente chez vous entre monde anglo-saxon axé sur une forme, une conception de la liberté qui est tout à fait différente de la nôtre, et ce regard sur l'histoire et sur l'Holocaust qui sont également très différents. C'est la question qu'a posée Marion Duchesne, et si la laïcité exacerbait les antagonismes religieux et les extrémismes, vous le pensez ? Écoutez-moi, il me semble que la question centrale pour la France est la suivante, et je déplore qu'on ne nomme pas assez. Je crois que le grand drame, le grand problème dont nous ne nous sommes jamais remis est la mort du roi. Lorsque nous avons abattu Louis XVI, nous avons abattu en même temps le symbole du père et le symbole de Dieu. Les révolutionnaires de 93 ont voulu détruire toute transcendance à l'intérieur de la France et de la pensée française. Ils ont institué le régime, à mon sens, qui conduit directement au totalitarisme. Car même lorsque vous avez un absolutisme royal despotique, comme celui de Louis XIV, par exemple, il est évident qu'il y avait un despotisme royal, et également il y a eu un despotisme de l'Église catholique. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, a eu lieu la réforme protestante. Il y a toujours néanmoins, en arrière-plan, une présence de quelqu'un de plus grand que le roi, en l'occurrence Dieu. Le roi tenait ses pouvoirs de Dieu. Donc il y avait un espace transcendantal laissé vacant. Le pouvoir étant sacré. Le pouvoir a une relation au sacré. À partir de la Révolution, cet espace saint disparaît au profit d'une relation d'un homme avec l'autre homme, sans séparation. C'est le problème du contrat social de Rousseau. Dans le contrat social de Rousseau, disparaît ce qui, jusqu'à présent, était médiatisé par la transcendance. Il y a désormais l'homme confronté à l'homme, directement, sans séparation. Et je dis que c'est là que se trouve effectivement l'origine du totalitarisme, car l'homme a besoin, pour rencontrer l'autre homme, qu'il y ait un espace médiateur, l'espace de Dieu. L'espace de Dieu au sens de la question de Dieu. Je ne dis pas un Dieu catholique, un Dieu protestant ou un Dieu juif, mais la question de la transcendance. À partir du moment où vous enlevez au centre de la civilisation cette question, à mon sens, il y a un danger certain de totalitarisme. Parce que l'homme a immédiatement envie de prendre la place de Dieu. Qu'est-ce qu'Hitler ? Et de cannibaliser son voisin. Bien sûr. Qu'est-ce qu'Hitler ? Sinon un homme qui s'est mis dans cet espace vacant, laissé vacant par la Révolution. Qu'est-ce que Staline ? La même chose, un homme qui a pris la place de Dieu, et on voit ce que c'est qu'une civilisation. Ça s'appelle l'idolâtrie. Ça s'appelle l'idolâtrie. C'est-à-dire, lorsque vous n'avez plus cet espace transcendant, laissé vacant pour Dieu, l'homme a la tentation de prendre sa place. Et nous sommes tout droit dans le totalitarisme. Oui, mais alors, Edouard Waldman, on a aussi perçu cette mutilation, ce que vous percevez comme une mutilation, le fait de mettre Dieu à l'écart ou la mort de Dieu comme une forme de libération parce qu'on était dégagé d'une tutelle oui. Qui nous obligeait à vivre d'une certaine manière. Et la révolution, c'est d'abord une manière libre de voir. Oui, de enfin, construire. Une manière. Alors, et les Juifs ont eu un statut grâce à la révolution. Et oui, ils ont fait un très mauvais calcul. Parce lequel que, lequel, c'est que d'un côté. C'est vous dites qu'ils ont été aveuglés par les Lumières. Absolument. D'un côté, les Lumières leur ont apporté quelque chose de très important, puisque pour la première fois, ils étaient accueillis comme des citoyens à part entière. C'était donc quelque chose de magnifique. Et on peut tout à fait comprendre qu'ils aient été séduits aveuglé et qu'il soit tombé directement dans le piège. Mais quand on regarde l'avenir des Lumières, ce qu'elles sont devenues, la première chose, ça a été l'affaire Dreyfus. Et on voit très bien que les principes de la philosophie des Lumières, ceux de la laïcité en France, ont été mis en échec par l'affaire Dreyfus, qui a été quand même un drame national considérable. Les valeurs de la laïcité et les valeurs de la République ont néanmoins tenu face à l'affaire Dreyfus. Elles n'ont pas tenu face à Vichy. Elles se sont effondrées. C'est pourquoi je dis qu'aujourd'hui, face à l'absolutisme, au terrorisme qui est en face de nous, face à la nouvelle terreur, dont on pourrait d'ailleurs parler. Bien sûr, Je pense que les principes actuels de la République française, la laïcité, les droits de l'homme, ne sont pas assez puissants pour faire face à ce totalitarisme, à faire face à ce fanatisme. Il faut trouver autre chose. Et je suis très inquiet par l'aveuglement des Juifs qui s'accrochent, comme en 1940, aux Lumières, qui s'accrochent à la République, qui s'accrochent à la laïcité, en croyant que ces principes sont encore assez puissants pour les défendre du prochain fanatisme. Je ne le pense pas. Et je pense qu'il faut élargir, au contraire, le principe de la laïcité vers une laïcité que j'appelle plurielle. Il faut que la plaie du parricide de 1793, celle de la mort du roi, de la mort du principe de toute autorité et de la mort de Dieu, que cette blessure française soit réouverte et que rejaillissent de cette blessure les différentes spiritualités qui animent la France. Aujourd'hui, on est dans le déni, alors. On est dans un déni total. Oui. On dénie le catholicisme, on dénie le protestantisme, on dénie le judaïsme. Et je déplore que les Juifs s'associent à cette idéologie que je trouve totalement négative. Je voudrais ajouter un mot. Je connais assez bien la communauté juive, pour la raison qu'ayant écrit quelques livres sur le judaïsme, je suis habituellement invité à quelques débats ou à quelques sur les radios juives, etc. C'est la première fois que face à ce livre, Pourquoi les Lumières à l'origine de l'Holocauste, où j'essaye simplement de m'exprimer, je ne prétends pas être le détenteur de quelque vérité que ce soit. Mais je prétends dire que les principes... Ça dérange, c'est ce que vous voulez dire, ça dérange. Ça a été, par la communauté juive, un silence absolu, un rejet total. J'ai d'ailleurs écrit à ce sujet au grand rabbin, qui est un homme d'ailleurs charmant, qui n'a pas su me répondre. Mais alors parce que je lui ai fait part de mon inquiétude devant une communauté qui se retrécit, j'allais dire, se referme sur elle-même, alors qu'elle devrait comprendre que les principes de 1940, ceux de l'idéologie de la Révolution française 89. Ne sont plus opérants. Ne sont plus opérants, c'est ça, face aux défis de demain, la pression exercée par l'islamisme en particulier. Alors, une question, est-ce que, pour entrer davantage dans le sujet, est-ce que ce n'est pas un raccourci de dire, qui pourrait déplaire aux historiens, de dire, il y a un lien direct de cause à effet, puisque j'ai commencé comme ça, entre la philosophie des Lumières et le nazisme et ce qu'il a pu donner comme abomination. Pas uniquement le nazisme, mais également le communisme. Le communisme. Mais lien est absolument direct, puisque... Il y a quand même deux siècles d'écart, non ? Non, mais de quoi s'agit-il dans le marxisme ? Marx est juif. Ah oui, j'aime beaucoup votre interprétation. Marx est juif. Son père lui dit, ne dis pas que tu es juif, oublie ta judaïté. C'est d'ailleurs ce que m'a dit ma mère, pour ne rien vous cacher. Elle m'a dit ça, sinon tu auras toujours des problèmes. Je ne l'ai pas. Votre mère était catholique. Oui, je n'ai d'ailleurs pas, moi, je me suis toujours assumé. Et je pensais qu'on était juifs par la mère, donc en fait, vous n'êtes pas... Oui, d'un côté, voilà, alors je ne sais pas. Moi, j'ai toujours voulu m'assumer dans ce que je suis réellement. Donc je suis demi-juif, juif par mon père, catholique par ma mère. J'assume totalement et je suis également beaucoup d'autres choses. Pluriel. Pluriel. je disais que Marx était juif, son père lui dit « oublie ton identité, sinon tu ne pourras pas socialement réussir ». Et effectivement, il l'oublie. Mais le problème, si vous voulez, c'est que le fait d'être juif implique également que l'on soit habité par une certaine mémoire. On est prophète de nature. D'une certaine manière, disons qu'il y a quand même pas mal de prophètes de nature. Et Marx en était un. Si bien que quand il a émis son idéologie matérialiste, qui est d'une certaine manière monstrueuse, parce que le génie du judaïsme est justement d'avoir dégagé le principe de la justice, celui de la terre promise, comme une catégorie de l'esprit, mais irréalisable dans le réel. C'est une promesse. Vous n'êtes pas sioniste, alors, Edouard Waldman ? Si. Parce que l'État d'Israël, c'est une réalisation oui, matérielle. Hein. Mais ça, c'est encore une autre... Bon, c'est un autre sujet, mais continuez sur Marx. Un autre sujet. Donc, je dis, Marx énonce une philosophie matérialiste qui est exactement dans le prolongement des Lumières. C'est un juif des Lumières. Et il ne fait que prolonger... la pensée de Rousseau, celle de Voltaire, etc. Je dirais que, dans une certaine manière, il la parachève, il la perfectionne. Le problème, c'est qu'au moment où il énonce cette théorie matérialiste dans laquelle le prolétariat, il se met à prophétiser... Le prolétariat est un nouveau peuple juif. Voilà. C'est une nouvelle messianité. C'est ça. Voilà. Mais ça, les gens l'ont pas vu, forcément, sur le moment. Il y a peu d'interprétations. Il le voit toujours pas. Il y a peu d'interprétations qui assimilent ce report de la capacité prophétique sur une catégorie. Mais non, parce que le problème des juifs dits laïcs, qui continuent d'ailleurs aujourd'hui à agir, et beaucoup d'ailleurs dans notre gouvernement actuel, les juifs de gauche dits laïcs sont des gens qui ne veulent plus voir la dimension spirituelle du judaïsme. Ils l'ont gommé, et ils l'ont gommé d'abord à l'intérieur d'eux-mêmes. Ils le considèrent comme une folie, la Bible, il faut... On est entré dans une société matérialiste, et l'homme doit tout tirer de lui-même, et éradiquer cette part de la transcendance dont nous parlions à l'occasion de la Révolution française, mais qui vient de l'origine même du judaïsme et des droits de l'homme créés par Moïse sur le mont Sinaï sur l'existence de Dieu. C'est ça la grande différence. Le judaïsme pour vous, l'existence de Dieu. Le judaïsme pour vous, c'est d'abord une relation à la transcendance. Mais bien sûr. Sans cela, il n'existe pas. Alors, les juifs qui pensent que le judaïsme peut exister sans la question de Dieu, je ne me permettrai pas de les... On aura deviné. Je n'ai pas de titre à les condamner, mais je veux dire, c'est une erreur fondamentale. De trahison intellectuelle. C'est une erreur fondamentale de la pensée, je veux dire. Et sur le lien, on sait que des nationalistes allemands, ceux qui forgeront le nationalisme allemand, étaient présents dans des événements de la Révolution. Ce lien que vous faites entre nazisme et entre l'Holocauste et les Lumières, c'est quand même extrêmement fort, parce qu'on a une dimension quand même d'extermination. Marx, c'est une construction intellectuelle, mais là, on passe à une forme d'action. Alors, la question que vous me posez est extrêmement intéressante. C'est que en 1914, lorsque l'Empire austro-hongrois commence à se démanteler sérieusement, bien qu'il avait déjà été éprouvé une première fois justement par l'idéologie des Lumières que transportait Napoléon Bonaparte. Les premiers coups ont été portés par Bonaparte, par Napoléon, qui était le soldat des Lumières. Il a commencé à ébranler l'Empire d'Autriche, qui comprenait à cette époque-là des peuples nombreux et qui tenait tous ces peuples d'origines différentes, de manière ethnique, de manière idéologique, mais il les tenait entre eux grâce à une pensée, d'abord à une dynastie extrêmement puissante, mais aussi à une religion. C'était des peuples chrétiens. Lorsque cet empire est ébranlé, tout le monde s'en va d'un côté ou de l'autre, et Hitler n'est jamais qu'un des éléments qui se retrouve en Autriche, etc. Lorsque vous n'avez plus de sacré, lorsque vous n'avez plus... Allez-y. Qu'est-ce qui vous reste ? La race. Et Hitler s'est emparé du dernier élément qui restait à l'Europe pour se reconstituer d'une certaine manière, c'est la race. Il a pris la race comme ça et il a essayé de refonder un empire. Voilà. À partir de rien, en fait. Ou à partir d'une négation. À partir de la négation d'une spiritualité qui avait déjà été entamée par les Lumières. Il n'est que le... En fait, il ramasse quelque chose qui est déjà tombé. Un sceptre qui est déjà tombé. Édouard Waldman, vous restez avec nous. Pourquoi c'est la question qu'on se pose ce matin. Les Lumières à l'origine de l'Holocauste. Je vous ferai parler dans quelques instants de la controverse sur les statistiques ethniques. Est-ce qu'il faut savoir de quelle religion sont les uns et les autres? Est-ce qu'il y a une part d'hypocrisie, de mensonge dans cette histoire en écho à ce qui s'est passé à Montpellier? Parce que vous êtes un connaisseur aussi du système américain, de la société américaine. On va mettre les deux en parallèle et c'est très différent d'un côté ou de l'autre de l'Atlantique. A tout de suite. Succès d'Oura, ils reviennent pour vous faire vivre une aventure unique et hors du temps. Malka. Malka, c'est la ville enfant, simple berger qui triompha de Goliath. Malka, c'est l'histoire d'un roi, poète, musicien et bâtisseur. C'est la force du guerrier et la faiblesse de l'homme. Malka, la vie du roi David dans une fresque musicale de plus de 1000 ans à voir en famille absolument. Rendez-vous les 23 et 24 mai au Palais des Congrès de Paris et sur malka.fr. Tous les sportifs sont partis sur Eurosport. Maintenant, retrouvez Eurosport sur CanalSat et seulement sur CanalSat. Avec en ce moment, le Grand Prix de France de MotoGP, Roland-Garros et la Coupe du Monde de football féminin. Jusqu'au 3 juin pour les Short Days, CanalSat est à 15,90€ par mois pendant 6 mois, puis 24,90€ par mois. Appelez le 3910, 23 centimes d'euros la minute. Exclusivité hors réseau câblé, offre soumise à condition, valable pour tout nouvel abonnement d'un an à CanalSat. Le monde vu de Rome, c'est tous les jours sur Radio Notre-Dame. 8h30, 18h, le journal de Radio Vatican. L'armée américaine n'envisage pas d'intensifier les raids aériens. 19h30, le magazine. Sœur Anan était en France ces derniers jours pour témoigner de la détresse. Minuit 30, l'actualité de l'Afrique. Rendez-vous avec l'Afrique. L'actualité de toute l'Église. C'est tous les jours sur Radio Notre-Dame. La Minute Spirituelle. Cette semaine, Patrice Cavelier, diacre à Saint-Eustache, Paris. Les poèmes ont été écrits par des poètes, mais ils ont ensuite été si bien mouillés et attendris par les larmes du peuple d'Israël qu'ils sont devenus prières. Nous avons un immense trésor dans la prière de tous les psaumes. Ces psaumes d'Israël que Jésus lui-même a priés, priés et encore priés. Nous avons là plus qu'un patrimoine culturel et cultuel, c'est, j'oserais dire, le limon de notre vie spirituelle. Prier les psaumes, c'est prier avec nos frères juifs que Dieu a aimés les premiers. Prier les psaumes, c'est prononcer les mots que Jésus lui-même a priés. Prier les psaumes selon leur couleur, c'est être en communion avec ceux qui sont dans la joie ou dans la peine, quel que soit notre état d'esprit lorsque nous les disons. Vite, allez-y, courez prendre votre psautier. Merci Patrice Cavelier. Un mot de la météo. Le temps de ce jeudi sera plus stable que le début de cette semaine, mais restera encore assez nuageux avec des températures qui tourneront autour de 17 degrés cet après-midi. Flora Cortès pour les infos dans une vingtaine de secondes. Si vous nous rejoignez à l'instant ce jeudi 7 mai, bien sachez que Gérard Leclerc fera son édito dans quelques instants. Juste après les infos, il nous parlera de la nouvelle guerre des Atrides, le psychodrame entre Marine Le Pen et Jean-Marie Le Pen. Et puis Edouard Waldman, poète, écrivain, essayiste et des nôtres, en tant que grand témoin ce matin jusqu'à 8h30, avec cet essai « Pourquoi osions l'Armatan ?» Les infos, Flora Cortès à 8h. Bonjour à tous. À droite, David Cameron. À gauche, Ed Miliband. La Grande-Bretagne se rend aux urnes ce jeudi pour élire ses 650 députés et choisir qui du Premier ministre conservateur sortant ou de son opposant travailliste remportera un scrutin à suspense. De Belfast à Cardiff, d'Édimbourg à Londres, 45 millions de Britanniques sont invités à se rendre dans les bureaux de vote. Les premiers résultats sont attendus aux alentours de minuit, notamment pour l'Écosse et Londres. Le Premier ministre israélien sortant, Benjamin Netanyahou, est lui parvenu hier soir in extremis à former dans la douleur une coalition de gouvernement. Benjamin Netanyahou a conclu juste avant l'échéance de minuit un accord avec le parti nationaliste religieux Foyer Juif, lui assurant dans le Parlement issu des récentes législatives une majorité minimale de 61 sièges sur 120. La cour administrative de Jakarta a reporté finalement au 13 mai l'examen du recours du français Serge Atlaoui, condamné à la peine de mort pour trafic de drogue en Indonésie. Une procédure qui pourrait retarder son exécution un certain temps. Dans ce recours, Serge Atlaoui, 51 ans, conteste l'absence de motivation dans la décision du président indonésien qui a rejeté sa demande de grâce il y a quelques mois. En France, le secrétaire d'État au transport, Alain Vidalis, a annoncé hier un plan gouvernemental de 100 millions d'euros pour 150 chantiers de remise en état de routes nationales et de voies navigables. Il a précisé qu'il s'agirait de chantiers prêts à être lancés qui impliqueront des PME locales et qui maintiendront l'emploi. 21 industriels du secteur de la volaille, dont LDC, qui possède les marques Loué et Le Gaulois, ainsi que deux fédérations professionnelles, ont été condamnés pour une entente écopant d'une amende globale de 15,2 millions d'euros. C'est ce qu'a annoncé hier l'autorité de la concurrence. Les industriels ont été condamnés pour s'être concertés de manière coordonnée en vue de réduire l'incertitude dans le cadre de leurs négociations commerciales avec les grandes distributions entre 2001 et 2007. Le spécialiste du nucléaire Areva devrait supprimer autour de 3500 postes dans le cadre de son plan d'économie. C'est ce qu'on peut lire dans le Figaro de ce jour. Une première pour le groupe Areva en France qui espère pouvoir mener ce volet social sans départ contraint. Une réunion avec les syndicats se tiendra ce jeudi. Elle portera sur l'application du plan de compétitivité annoncé par le groupe Areva au début du mois de mars. Enfin, le conglomérat industriel allemand Siemens a lui annoncé qu'il allait supprimer 4500 emplois supplémentaires dans le monde, dont 2200 en Allemagne et en plus des 7800 suppressions déjà prévues dans le cadre de sa réorganisation annoncée il y a un an. Radio Notre-Dame. Les infos signées Flora Cortès, Radio Vatican, c'est à 8h30 pour l'actualité internationale. Et puis Edouard Waldman qu'on va retrouver juste après l'édito de Gérard Leclerc consacré à la guerre des Atrides, Marine Le Pen et Jean-Marie Le Pen. Mon poste d'observateur un peu décalé m'écarte le plus souvent d'une actualité politique intérieure qui n'a d'ailleurs pas besoin de moi, vu la pléthore des commentateurs qui la ciblent chaque jour. Pourtant, il est des moments où il est bien difficile d'échapper à des événements extrêmement significatifs, des évolutions profondes de notre société. Ces jours-ci, tout notre dispositif d'information est comme branché en permanence sur le conflit œdipéen qui oppose Jean-Marie Le Pen à sa fille Marine. Que l'on soit exaspéré ou non par cette guerre des Atrides, il faut bien convenir que l'affaire passionne la France entière et sollicite l'expertise de politologues qui en dissertent des heures entières. Il est vrai qu'à travers le déchirement d'un clan, c'est l'histoire de France elle-même qui se trouve redéployée avec ses failles, ses blessures, et que cela est d'autant plus sensible que sont mises en évidence la succession des générations et la différence de leur perception historique, morale et sociale. À ce propos, on ne prête pas suffisamment d'attention à ce que représente la jeune Marion Maréchal dans la saga familiale, car elle est elle-même d'une autre génération par rapport à sa tante Marine, et sa sensibilité est spécifique, nullement réductible à un conservatisme des valeurs et à une solidarité affective avec son grand-père. Il faudrait envisager tout cela avec le recul nécessaire. C'est presque impossible, tant la passion est vive chez tous les protagonistes. Seul peut-être Serge Moati s'est-il révélé l'observateur non pas impartial, mais indépendant, capable de sentir et de juger les êtres et leur parcours à l'aune d'un jugement décalé et pour cela bien instructif. Mais nous n'en sommes pas à pouvoir comprendre les choses indépendamment des passions du moment. Nous sommes complètement impliqués dans des discussions et des engagements qui ne sont pas seulement français. Nos amis britanniques, en pleine campagne électorale, avec d'autres références, partagent les mêmes affres, les mêmes conflits démesurés. L'immigration est au cœur des préoccupations et c'est toute l'Europe qui se retrouve paradoxalement réunie. Merci Gérard Leclerc. La suite du Grand Témoin avec vous, Louis Dauphren. Edouard Wallmann, votre regard sur ce psychodrame familial et au-delà, bien sûr, ce sont les enjeux qui touchent la société française, qui nous intéressent. Votre interprétation, peut-être aussi à la lumière de ce qui se passe en Grande-Bretagne et de cette Europe qui se retrouve paradoxalement réunie selon Gérard Leclerc. Moi, j'ai toujours été opposé à toute diabolisation du Front National parce que je trouve que certains problèmes que pose le Front National sont extrêmement importants. Je reviens à ce dont je vous parlais tout à l'heure, à cette blessure de la France de 1793, la mort du père, à ce parricide. J'ai toujours pensé que le Front National mettait un doigt sur cette blessure, sur la blessure de l'autorité, sur cette blessure du père, et que, en ce sens, il devait être intégré dans la société française. Donc, je pense qu'il y a des gens qui instrumentalisent le problème du Front National. Je ne suis pas un politique dont je ne comprends pas très bien où ils veulent en venir, et le premier étant bien sûr M. François Mitterrand, puisque c'est lui qui, d'une certaine manière, l'a introduit dans la société française. Mais moi, vous me demandez mon interprétation, pour moi, le Front National met le doigt sur le problème du père, et que lorsque nous perdons... En quoi met-il ce doigt sur ce problème du père, sur cette décision ? C'est la notion de l'autorité. Lorsque l'on voit une république comme la nôtre, qui est complètement délitée, Monsieur François Hollande s'est arrangé en plus pour supprimer tous les symboles de l'autorité. Il déteste l'autorité. Le premier symbole, c'était le couple présidentiel, par exemple. Ça a l'air de rien, mais c'est très important. D'une certaine manière, il a éradiqué la femme de la République. Ça n'est pas innocent. C'est peut-être inconscient. Je ne l'accuse pas de l'avoir fait consciemment. Mais il a supprimé les symboles dont un peuple a besoin. Alors, après la Révolution, nous avons inventé cette République qui est déjà, à mon avis, qui manque de symbolisme. C'est pour ça que Bonaparte s'en est emparé très rapidement, qu'il a recréé la notion du père. Ensuite, nous avons une quantité de pères de substitution. On pourrait dire que nous avons toujours vécu dans la quête éperdue du père, de Pétain, de Gaulle, etc. Le Front National met le doigt sur cette blessure. Et chaque fois qu'il y a une absence de symbolique, il nous oblige à remettre du symbolique. Mais dans l'Allemagne, il y a des nations qui se passent très bien de pair, apparemment, non ? Mais parce que les nations en question, que ce soit l'Allemagne, que ce soit les États-Unis et que ce soit l'Angleterre, ont un père qui est Dieu. Ce sont des protestants. Ils n'ont pas tué le père en 1793. Leur génie. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ils nous damnent totalement le pion. Pourquoi nous sommes à la remorque ? C'est parce que nous n'avons pas de principe symbolique. Eux, les Américains, vous me parlez de l'Amérique. Moi, ce que j'adore en Amérique, c'est que je sais qu'il y a une relation à la transcendance. Donc, je me sens protégé. En France, je ne me sens pas protégé. Mais les Qu'on ne me dise pas que la France est le pays de la liberté. Le pays, si le pays de la liberté il y a, c'est l'Angleterre, qui a su justement, au XVIe siècle, avec l'habeas corpus, déjà inventer la démocratie, mais qui a gardé la symbolique. Par exemple, aujourd'hui... Parce que les Lumières n'ont cessé de regarder vers l'Angleterre. Il y avait une anglophilie absolument incroyable au XVIIIe. On a pris comme modèle l'Angleterre. Ah, on n'a pas pris du tout comme modèle l'Angleterre, pas du tout. Au contraire, l'Angleterre, et d'ailleurs, certains philosophes des Lumières, dont Voltaire, dont Montesquieu, donnaient comme exemple, ça c'est exact, à la France, la monarchie anglaise. Mais c'est Rousseau, enfin, ça serait trop long à expliquer, qui a tiré la France vers le bas avec ce principe d'égalitarisme dans lequel nous sommes en plein aujourd'hui et qui est notre faillite. Nous arrivons au bout de ce modèle. Nous sommes au bout du modèle rousseauiste et c'est fini. Il faut quand même que l'on sache. Or, les gouvernements actuels n'ont pas l'air de se rendre compte que c'est fini. Et nous sommes justement aujourd'hui confrontés aux États-Unis, à l'Allemagne, à l'Angleterre, qui sont tous des pays qui ont gardé une symbolique du père. Donc chez nous, Le Pen, c'est d'une certaine manière le doigt sur cette blessure. C'est le père qu'on refoule, en fait. Et on ne veut pas faire cette analyse. On ne veut pas la faire parce que ça met en cause, ça fait très mal. Parce que ça rouvre la plaie du parricide. Mais quand on vous dit Le Pen, c'est la résurgence de Vichy ? C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est aussi la résurgence. Mais qui a voté les pleins pouvoirs au maréchal Pétain ? C'est une assemblée nationale composée surtout de gens de gauche. C'est la gauche qui a donné le pouvoir au maréchal Pétain. C'est pas Le Pen. Alors, Édouard Waldman, il y a une polémique en ce moment sur la question des statistiques ethniques, ce qui s'est passé à Béziers. Robert Ménard qui a dit que finalement, il n'y avait pas fini un petit peu de manière un petit peu curieuse cette histoire, si tant est qu'elle soit encore finie. Il a effectivement évoqué un décompte des élèves musulmans de sa commune, mais il a dit qu'il n'existait pas de fichier. Alors, au-delà de l'affaire strictement factuelle, qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ce qui se passe dans d'autres pays où on a une parole plus libérée sur l'origine ethnique ou religieuse ? Eh bien, c'est ce que je vous dis. C'est-à-dire, dans un pays comme les États-Unis, vous vous nommez... Alors, comme vous avez une puissance spirituelle à la base, « In God we trust »,« God bless America », c'est-à-dire « Dieu est présent ». Et tous les ans au Capitole... Les représentants, les sénateurs, etc., se réunissent autour de la transcendance. Il y a une réunion, c'est ça l'union des partis en Amérique. Ils se réunissent non pas autour de la négation de Dieu, comme en France, autour d'une petite laïcité un peu minable, autour de leur foi commune, qu'ils mettent au-delà de leur parti. Donc ces gens-là annoncent d'abord la couleur aux émigrants. Ils disent, voilà, si vous voulez entrer chez nous, il faut que vous respectiez nos croyances, il faut que vous respectiez notre loi, et si vous la respectez, bienvenue à vous. Donc après, je vous salue en tant que musulman, je vous salue en tant que catholique, je vous salue en tant que juif, je vous salue. Et ça, je trouve ça... magnifique. Dans l'immeuble où j'habite à New York, les soirs de Noël, par exemple, vous avez toutes les catégories des religions qui sont représentées dans l'immeuble. Moi, je trouve ça absolument génial. C'est un respect incroyable. C'est un plus. La religion est un plus, elle n'est pas un moins. Et moi, je souhaite qu'en France, on arrive... Malheureusement, je suis très pessimiste. Ils s'accrochent tous maintenant à leur petite laïcité et ils s'imaginent que c'est cette petite laïcité qui va les sauver. Ils se trompent. Je pense au contraire qu'il faut ouvrir largement et que je trouve que c'est très bien qu'un juif porte une kippa. Je trouve très bien qu'un protestant porte je ne sais pas quoi et qu'un catholique porte la croix. Et ça ne me gêne pas qu'un musulman porte un foulard, pas le foulard intégral que je considère comme une abomination et une atteinte à la dignité humaine. Donc vous mettez quand même un curseur laïque quelque part. C'est pas laïque. Alors, vous dites, vous dites à un moment, il faut réglementer l'espace public. Non, il faut... ça serait... la jupe, vous allez prendre un centimètre aussi pour régler sa taille. Écoutez, ça serait intéressant de faire... Qu'est-ce qui fait que je ressens, moi, le voile intégral quand je vois une femme couverte de la tête aux pieds, comme une abomination. Qu'est-ce qui réagit en moi? Est-ce que ce sont les valeurs juives? Est-ce que ce sont les valeurs catholiques? Est-ce que ce sont les valeurs de la Révolution? Je ne sais pas. Mais c'est quelque chose que je ressens comme une atteinte à la dignité humaine. Le fait de se mettre sur la tête un fichu comme le font souvent les bonnes sœurs, personnellement, ne me gêne pas. Alors, effectivement... on pourrait en parler, délimiter, voilà. Mais si je vous suis, Edouard Malman, parce que vous dites bien, il faut libérer, en quelque sorte, se libérer du déni et considérer les religions comme un plus. Absolument. Par quoi est-ce que ça passerait? Qui doit dire que ça doit évoluer comme ça? Et comment vous le faites évoluer? On est après, est 3 mois après l'esprit Charlie, normalement, où les religions... Ce sont, une interprétation d'une des religions s'est particulièrement mise en scène de manière tragique. Et la réaction, ça a été, semble-t-il, de la part de certains, c'est ce que vous déplorez, d'avoir une religion de la négation de la religion. Aujourd'hui, c'est un peu ça, la laïcité. Vous déplorez cet aspect. Mais si on doit changer, comment est-ce que vous changez? Comment est-ce que vous sortez de là? Là, vous touchez un sujet extrêmement fort. Je crois que si les partis traditionnels, c'est-à-dire en France la gauche comme la droite, ne sont pas capables. Enfin, c'est la gauche qui donne le là, quand même, hein, vous le savez. C'est que, intellectuellement parlant et en termes de référence morale. Si ce parti de droite ou ce parti de gauche ne sont pas capables aujourd'hui de réouvrir cette blessure dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire d'affronter vraiment cette question... Dans son fondement même, et de réouvrir l'espace de cette blessure pour faire rejaillir les spiritualités qui sont en France, que ce soit la spiritualité catholique, la spiritualité protestante, la spiritualité juive et même la spiritualité musulmane. Si les partis traditionnels, aujourd'hui et très vite, ne sont pas capables de le faire, il est évident que le Front National va arriver au pouvoir et il va faire sauter la baraque. C'est-à-dire que les choses vont se faire, mais dans la violence. Mais le Front National ne veut pas du tout rouvrir. Mais bien sûr, il est dans une logique étatiste et très laïque. Oui, mais il va par la force des choses, s'il prend le pouvoir, pas justement dialectiquement, il va amener la France à faire un saut en avant. Et je crains, malheureusement, étant donné l'insuffisance... Ça veut dire quoi, un saut en avant? Je pense que dialectiquement, on va arriver à une droite vraiment libérale qui va ouvrir l'espace et arriver à cet accueil de l'autre. Mais je crains qu'il ne faille pour cela... Alors attendez, moi je comprends pas. Vous voyez le Front National va permettre l'accueil de l'autre, alors que normalement il fait comme sa politique sur quand même le rejet d'une partie de la population. Non. Il ne faut pas confondre ce que peuvent raconter les députés ou autres avec le fond des problèmes. Comme je vous l'ai dit, le Front National, au fond des choses, met le doigt sur cette blessure du parricide. Si aujourd'hui la droite, comme la gauche, n'arrive pas à faire passer la laïcité dans laquelle nous sommes, au principe de la laïcité plurielle, c'est-à-dire d'ouvrir cet espace de la blessure pour faire rejaillir les différentes spiritualités qui sont au cœur de la France. C'est ce que voulait faire Nicolas Sarkozy avec ce qu'on appelle laïcité positive. La laïcité, et qui a ensuite reculé, et je le déplore, parce qu'il a vu que c'était peut-être trop difficile. Et ça, c'est une erreur fondamentale, à mon sens, qu'il a faite. Il fallait qu'il y aille directement. La laïcité positive, c'était quelque chose d'extrêmement courageux, aussi intelligent et courageux que l'autonomie des universités. Ça nous emmenait vers une société beaucoup plus ouverte. Si aujourd'hui la droite ou la gauche ne sont pas capables de réussir cette ouverture et de transformer la France en un grand pays libéral, mais qui conserve ses traditions françaises. Il ne s'agit pas de devenir un pays anglo-saxon. C'est le Front National qui va arriver au pouvoir, qui va faire des choses, justement, totalement impossibles, qui vont obliger la droite et la gauche, contre lui, à ouvrir l'espace. Voilà comment je vois donc les choses. Ça va se faire sous forme de rupture brutale. Voilà. Mais ça, c'est une tradition française. Violente. Mais en ce sens, le Front National aura été intéressant, puisqu'il aura obligé de se définir contre lui. Oui, c'est d'ailleurs ce qui se passe aussi en Grande-Bretagne. Mais c'est ce qui se passe aussi, d'une certaine manière, avec la famille Le Pen en ce moment. C'est l'astre noir de la vie politique, hein, disait François Léotard à un moment. Ça remonte déjà à plus de 20 ans. C'est finalement le pivot sur lequel tout le monde est obligé de se positionner. Alors, Edouard Wellmann, je rappelle pourquoi les Lumières à l'origine de l'Holocauste, cette autocritique en quelque sorte du système, elle est trop engageante parce que si on se met à critiquer en fait, les Lumières ou à les regarder de près dans les implications, dans les conséquences, vous faites un peu sauter, vous l'avez dit tout à l'heure, la baraque, vous faites sauter un peu la République. Et pourquoi pas faire sauter la République ? Ben, vous créez... Est-ce qu'on crée pas le chaos ? Est-ce qu'on mais on est actuellement... Aujourd'hui, notre objectif, c'est pas de créer la République, elle est créée. C'est de créer l'Europe. Et pour créer l'Europe, il faut permettre à la France d'être dans une position tenable. Donc, il faut ouvrir la France. Mais je dirais que l'objectif final serait en plus d'unir l'Europe à une Amérique qui reprendrait ses fonctions traditionnelles de marché et nous de garder notre fonction traditionnelle de culture. L'Europe doit être l'endroit où sont conservés les grands principes de la culture occidentale, la Grèce, Rome, les Juifs, la chrétienté. Mais moi, je vois les Américains comme des marchands. Ils n'ont pas vraiment d'idéologie, à part le protestantisme qu'ils ont pris à l'Angleterre. Donc, c'est nous l'espace de la culture. Donc, aujourd'hui, il faut qu'on ouvre notre culture. Et je pense que le principe de la laïcité auquel nous nous accrochons va de toute façon sauter très rapidement. On peut, Michel Houellebecq parle justement, pour revenir à votre clivage, d'un côté les islamistes qui vont amener la France à la soumission et de l'autre finalement il n'y a plus que le FN en face et tout a disparu entre les deux. Vous voyez cette soumission progressive ? Non, à condition que la France prenne à l'intérieur d'elle-même les forces suffisantes qu'elle a pour faire face, je le dis, pour faire face au terrorisme, à ce qu'on, les nouveaux extrémismes de notre temps. Mais je pense que si la France est capable de s'ouvrir, de créer une laïcité plurielle, comme l'avait préconisé, je le répète, Nicolas Sarkozy, j'ai eu beaucoup d'espoir à ce moment-là dans cette... qui était une véritable révolution intellectuelle et spirituelle. Et malheureusement, les Français n'ont pas compris ça. Et je pense qu'ils ont manqué quelque chose de très important en y lisant ce pauvre Hollande. Mais malheureusement, je crains que Nicolas Sarkozy ait abandonné cette volonté, qui était une très, très grande volonté. C'était une volonté, ce n'était pas nécessairement un effet d'aubaine ou une... Moi, je ne le crois pas. Une question de... Moi, je ne le crois pas. Les réformes qu'avait préconisées Nicolas, ce n'était pas celles d'un petit politicien. Non, ça avait de l'envergure. En fait, il faut rendre la France quand même sur un schéma, il faut faire en sorte que la France devienne plus libérale, voilà. Au sens quand même anglo-saxon du terme. Oui, mais... Il y a une réserve naturelle des Français aussi pour ce... On peut le comprendre. Ce régime, parce que l'État a remplacé le père. Et donc, si vous rompez avec l'étatisme, vous, justement, vous... on a fait un père de substitution dans l'État. Oui, mais alors je vous donne un exemple qui me paraît très important. En France, il est impossible, par exemple, de se faire rendre justice contre l'État. Si j'ai un, pardon, je donne un exemple totalement inintéressant. Je possède une petite maison à la campagne et j'ai un conflit avec la mairie, par exemple. Je ne peux pas me faire rendre justice contre la mairie. La mairie, c'est l'État. Et en France, contre l'État, vous avez les tribunaux administratifs et vous avez le Conseil d'État. Contre eux, jamais vous n'obtiendriez gain de cause. Bien que vous soyez avocat. Bien qu'on soit... D'autant plus qu'on est avocat. Je pense qu'une réforme fondamentale et qui ne ferait pas passer la France en tant qu'il n'en ferait pas un pays anglo-saxon, mais qui en ferait un pays libre, c'est que désormais, les conflits que vous avez avec l'État soient jugés par les tribunaux civils. Tant que ça ne sera pas fait, la France ne sera pas un pays de liberté. Édouard Waldman, merci beaucoup. On terminera sur cette dernière réplique avec ce mot de liberté et ce dernier essai. Pourquoi les Lumières à l'origine de l'Holocauste chez l'Armatan. Merci, Édouard Waldman. Retrouvez le podcast de cette émission sur le www.radionotredame.com.